Quel est le point commun entre une coque de téléphone, une pièce de fuselage d'avion, le futur pneu increvable, une prothèse de main, de la peau humaine ou une maison? Eh bien, tous peuvent aujourd'hui être créés via une imprimante 3D. En l'espace de 20 ans, l'impression 3D, ou plus précisément la fabrication additive, a fait des progrès spectaculaires et a permis un gain de temps, de coût, de productivité et une accessibilité qui ont bouleversé de larges pans de l'industrie et de la recherche. Mais il reste encore quelques obstacles. Pourra-t-on un jour tout imprimer et avec n'importe quel matériau ? Impression 3D, la science en pièces détachées, c'est le problème que nous allons examiner dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour modéliser l'histoire, l'actualité et les devenirs des techniques d'impression 3D et les imprimer auditivement dans vos appareils auditifs et cognitifs, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Patricia Kravzak. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'Institut Mines-Télécom, directrice du département de plasturgie et matériaux composites de l'IMT Lille-Douai. Bonjour Sylvain Lefebvre. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'INRIA à Nancy et membre du laboratoire Loria. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct sur le fil Twitter de notre émission @laméthodefc. Alors, nous sommes en 2017. Je vous propose d'écouter ce que l'on disait dans les médias généralistes, en l'occurrence dans le journal de 20h, de l'impression 3D en 2013. Couche après couche, très lentement, un objet va apparaître. C'est cela l'impression en 3D. Le procédé ? Plus d'encre. Ici, ce sont des fils plastiques de 4 dixièmes de millimètre de diamètre. Du plastique, mais aussi de la cire, du métal. Suivant l'imprimante et son procédé, différents matériaux peuvent être utilisés. Éric Brodin est l'un des spécialistes de cette technique. D'après lui, on peut l'utiliser sans problème pour des objets complexes. Cette coque d'iPhone, c'est tout bête, mais si vous deviez la fabriquer de manière conventionnelle, il faudrait faire 7 moules, parce qu'on va avoir 7 pièces différentes qui sont articulées, alors que là, on va pouvoir l'imprimer avec une imprimante 3D toute simple, et on peut faire quelque chose qui est articulé, qui est simple à mettre en œuvre. Des plus petits objets aux plus volumineux. Jim Corr est le seul à pouvoir pénétrer avec son véhicule dans ce salon anglais consacré à l'impression 3D. Cet ingénieur canadien imagine sa voiture parmi les autres. Il a débuté ce projet en 1996, plus de 2 200 000 euros. C'est le premier véhicule au monde imprimé en 3D. L'impression 3D nous donne un sentiment de liberté. On peut penser à un tas de choses et les réaliser. C'est comme dans le monde animal et végétal, fait de molécules les unes avec les autres. Cette technique nous permet d'être très proches de cette réalité. Retour au salon de Londres, où même les hommes peuvent être imprimés en 3D. Il suffit d'un scan pour réaliser nos portraits tridimensionnels. Nous sommes prêts à être transformés en figurines très réalistes. Des heures de travail. Et le résultat, le voici. Mais au fait, à quoi cela pourra-t-il servir ? Demain, ces figurines seront de taille réelle et vous pourrez laisser votre clone chez le tailleur pour qu'il prenne vos mesures pendant que vous êtes chez vous dans votre fauteuil. Voilà, c'est une archive du journal de France 2 qui date du 9 novembre 2013. Nous sommes le 8 novembre 2017. À l'époque, en 2013, le grand public et les médias commencent à découvrir cette impression 3D et les nombreuses possibilités qu'elle ouvre. On entend dans le reportage l'impression 3D un peu comme une sorte d'eldorado de la fabrication à portée de tous, un peu comme les reportages qu'on pouvait entendre sur la domotique dans les années 70 et le frigidaire qui nous parle. Quel regard rétrospectif portez-vous aujourd'hui l'un et l'autre, Patricia Kravzak et Sylvain Lefebvre, sur cette archive de 2013 qui n'a que 4 ans? Alors, 2013, ce n'était pas les débuts de l'impression 3D, puisque cette famille de procédés a commencé à émerger au début des années 80, et notamment pour les matières plastiques. Les technologies qui sont évoquées dans ce reportage ont fait l'objet de brevets dès 1984, voire 88. Mais il est vrai que au cours des 20 années qui ont suivi, ces techniques sont restées plutôt confidentielles et cantonnées à des applications de type prototypage. Prototype de forme ou prototype fonctionnel pour valider des concepts ou des designs. Plus récemment, se sont développées des applications ou tentatives d'applications de production de pièces, d'objets finis, manufacturés, avec un engouement grand public, mais également avec un engouement industriel. Donc le reportage, sous certains aspects, peut faire sourire. Créer un clone humain. Pour aller chez le tailleur, puisqu'il est bien connu que tout le monde va chez le tailleur avec un clone sous le bras pour aller se faire des costumes sur mesure, évidemment. Voilà, ou une figurine, et arrive rapidement la question, mais que va-t-on bien pouvoir en faire. Donc voilà, ça fait un peu sourire quand on voit aussi les évolutions et notamment actuellement les applications industrielles qui se dégagent. Et dont on va reparler, on va revenir un peu sur cette histoire plus en détail que vous venez de nous résumer à grands traits. Mais Sylvain Defebvre, ce qu'on entend là-dedans aussi, ce sur quoi j'aurais aimé vous faire réagir, c'est que on a très vite, si j'ai sorti cet archive de 2013, c'est parce que c'est au début des années 2010 qu'on commence à parler de l'impression 3D au grand public et que on commence à parler de sa démocratisation. On entend à demi-mot dans ce reportage l'idée selon laquelle finalement nous allions tous avoir peu ou prou chez nous dans les années à venir une petite imprimante 3D qui nous permettrait, alors peut-être pas de faire des clones pour aller chez le tailleur, mais en tout cas de pouvoir modéliser des petites pièces, de pouvoir un peu changer comme on a tous eu à un moment donné une imprimante 2D pour imprimer nos documents sur un ordinateur, alors qu'avant il fallait passer par une imprimerie. Oui, moi ce que je retiens du reportage et qui à mon sens est vraiment une réalité, c'est le sentiment de liberté qui se dégage de ces techniques. Parce que c'est quand même vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez aller acheter une de ces imprimantes pour un prix qui défie toute concurrence. Je veux dire, à moins de 200 euros, on en trouve. Il faut les assembler, il faut être bricoleur, hein, ça c'est vrai. Donc, mais on est vraiment libre dans le sens où, tout d'un coup, au lieu d'avoir un écran, on a une machine qui fabrique l'objet et qui le sort de l'ordinateur. Et ça, c'est quand même une promesse de l'impression 3D qui commence vraiment à se réaliser. Alors attention, c'est pas simple, contrairement à ce que, on va dire, le marketing et l'enthousiasme ambiant autour de ces technologies a pu faire croire il y a un certain temps. C'est pas si simple que ça. Je pense qu'on aura une imprimante 3D à la maison comme on a une scie à onglet ou tout autre outil de bricolage. C'est réservé à certaines personnes qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Hein. Mais c'est vraiment une réalité. On peut faire des choses à la maison qu'on pouvait pas faire avant, simplement. Et puis, surtout, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, non plus dans l'industrie, on en reparlera, comme on a dit. Donc ça c'est vrai. Là où on peut effectivement un peu sourire, c'est le côté, on a tendance à croire que on appuie sur un bouton et l'objet sort, et pas du tout. Et donc ça donne le faux sentiment que voilà, c'est des machines qui vont faire des tas d'objets toutes seules. Non, c'est un petit peu plus compliqué. Ce qui n'est pas le cas. Néanmoins, on va voir aussi au cours de cette émission comment ça a bouleversé effectivement le rapport à la fabrication et comment ça a peut-être redonné le pouvoir de fabriquer facilement, peut-être pas immédiatement à domicile, mais dans d'autres structures type Fab Lab. Et on en reparlera dans quelques instants. J'aimerais qu'on revienne un peu sur cet historique que vous avez esquissé, Patricia Kravzak, sur l'impression 3D. C'était un vieux rêve d'auteur de science-fiction. Les premiers brevets, on peut noter que le premier brevet, il est déposé en 1984, Sylvain Lefebvre ou Patricia Kravzak d'ailleurs, par des Français. Absolument, une équipe de trois Français, de Silas Alcatel, de mémoire, mais brevet qui a rapidement été abandonné, faute de perspective d'application industrielle. Voilà. C'est autant dire que c'est des gens qui avaient un peu de nez. C'était visionnaire. Et simultanément, à quelques semaines près, le fondateur de 3D Systems a lui aussi déposé un brevet, alors toujours autour États-Unis cette fois. Hein. Aux États-Unis cette fois, oui. Autour du procédé de stéréolithographie. Il est d'ailleurs à l'origine du fameux format de fichier STL que tout le monde utilise encore. Dont on va reparler dans un instant. Sylvain Lefebvre. Oui, il faut juste préciser à ce stade, probablement probablement qu'il y a quand même plusieurs technologies. Donc quand on fait l'historique, toutes les technologies ont été inventées en même temps et elles ont des propriétés très variées. Voilà, juste pour préciser, mais effectivement, la stéréolithographie, la première, c'était 84. On va parler justement de l'avancement de ces technologies. Peut-être qu'on peut préciser, parce qu'on parle d'impression 3D aujourd'hui et c'est l'expression courante qui est passée dans le langage, il faudrait plutôt parler de fabrication additive. Absolument, on parle plutôt de fabrication additive, par contraste avec la fabrication soustractive, qui est l'usinage traditionnel. On prend un bloc de matière et on enlève de la matière. Et donc la limitation intrinsèque de cette approche soustractive, c'est qu'il faut que l'outil puisse atteindre la zone où on travaille. Et donc on est limité dans les formes qu'on peut produire. Et au contraire, la fabrication additive, parce qu'elle ajoute la matière progressivement, typiquement en couches, on va pouvoir faire des formes plus complexes. Et qu'on comprend d'emblée par cette différence entre fabrication additive et fabrication soustractive, pardon, qu'il n'y a plus de déperdition de matériaux. Donc d'emblée, il y a immédiatement des coûts de fabrication très importants. Absolument, les coûts de fabrication peuvent être réduits en s'affranchissant des déchets d'usinage, par exemple, mais aussi en s'affranchissant de l'utilisation d'un outillage spécifique, d'un moule, par exemple, pour réaliser des pièces complexes. C'est une autre caractéristique différenciante des technologies de fabrication additive. Sinon Lefebvre. Ah oui, donc c'est absolument vrai. Il faut juste faire attention à un élément qui est important, c'est que c'est vrai si on s'intéresse à faire des pièces qui sont chacune uniques. Parce que si on s'intéresse à la production de masse, c'est-à-dire faire des grandes séries de pièces, le problème de la fabrication additive, c'est que le coût ne diminue pas quand on fait une grande série de pièces. Le coût de chaque pièce unique reste le même, parce qu'il y a beaucoup de manutention, etc. Alors qu'effectivement, un moule va coûter très cher, mais on le fait qu'une fois, et avec, on peut faire des centaines de milliers de pièces. Et ça va être intéressant quand on va examiner le schéma économique. Alors, précisément, revenons un peu à l'histoire. Ces premiers modèles d'imprimantes 3D, ils impriment a priori des matières plastiques. Quelles sont vous pouvez nous faire une petite historique, même un peu technique, hein, d'ailleurs, des différentes techniques des différentes catégories d'impression 3D qui sont apparues depuis les années 84 jusqu'aux années 2010. Sylvain Lefebvre. Alors, donc moi je ne vais pas parler des matériaux, hein, parce que ce n'est pas mon rayon, mais sur, disons, les technologies, on peut distinguer les technologies qui vont solidifier de la matière dans un bain ou dans un lit. Alors il y a des lits de poudre, il y a des bains de résine photosensible. On peut distinguer ça des technologies qui vont venir déposer localement de la matière. Par exemple, le filament, hein, typiquement, on va déposer une couche par-dessus une autre. Alors, il y a des implications sur les formes qu'on peut produire et sur le fait qu'on puisse ou pas réutiliser la matière. Par exemple, si on imprime un objet creux et qu'on l'a fait dans un bain de résine ou de poudre, on a un problème, c'est qu'on est en train d'enfermer la matière non solidifiée à l'intérieur. Alors, par exemple, une technique où on va déposer localement la matière ne va pas avoir ce défaut-là. Donc voilà, puis sur les matériaux, je pense que je vais laisser... Patricia Grafzak sur les matériaux. Pour compléter, les premières technologies qui ont été développées, c'était des technologies en cuve liquide sur la base de polymères, donc photopolymérisables. Derrière, on suivit très très rapidement les procédés dérivés de l'extrusion, hein, procédés bien connus des plasturgistes, donc des pots de fil fondu, de matière fondue d'une manière générale, hein. Donc ça c'était dans les années 88, et puis un peu plus tard, au milieu des années 90, sont apparus des procédés type lit de poudre qui là peuvent s'appliquer à différents matériaux, à des métaux, à des alliages, à des polymères, à des céramiques. Donc voilà un peu les trois grandes familles de procédés. Alors officiellement, il y en a sept. Hein. Les comités de normalisation, ASM notamment, enfin américains, différencient sept technologies. En pratique, il y en a beaucoup plus, avec toute une jungle d'acronymes un peu nébuleux pour le profane. Mais je pense que pour simplifier pour les auditeurs, on peut partir sur ces trois grandes familles qui servent trois grandes catégories de matériaux largement utilisés en milieu industriel, que sont les matières plastiques, que sont les métaux, que sont les céramiques. Voilà. Plus récemment, on a vu se développer des applications sur des matrices, sur des matériaux cimentaires, type béton, qui de ce fait ne sont pas mis en œuvre par les trois technologies évoquées précédemment, mais sur lesquelles on pourra peut-être revenir un peu plus tard. On va revenir parce que c'est aussi, ça touche aussi une autre question qui est celle du changement d'échelle, et puis on va évacuer même d'ores et déjà tout ce qui concerne la bio-impression et l'impression organique, puisque nous avions déjà consacré une heure entière à ces questions, et on va vous mettre le lien vers cette émission et vers le podcast sur le fil Twitter @laméthodefc. Peut-être aussi un mot, parce que c'est important, même si ça tombe sous le sens, il faut quand même le préciser, l'impression 3D, la fabrication additive est un intrinsèquement liée à la conception assistée par ordinateur et donc évidemment au progrès de l'informatique de ces 20 dernières années, Sylvain Lefebvre. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est assez intriguant de remarquer qu'on s'est retrouvé dans une situation où on avait des machines qui étaient capables de fabriquer des formes qu'on n'était pas forcément capable de modéliser facilement avec un ordinateur. Donc, par exemple, nous, une des choses qui nous intéresse beaucoup au laboratoire, c'est de faire des formes qui ressemblent à des éponges, en fait, quand vous les regardez, parce qu'elles sont structurées à une échelle relativement fine, qui va être de l'ordre de quelques dizaines de microns, et ça va donner des propriétés particulières aux objets. Par exemple, les rendre, les alléger, hein, c'est une première chose, mm-hmm. tout en préservant leur rigidité, ou les rendre poreux pour laisser passer des fluides, ou laisser des cellules vivre à l'intérieur. Et ce type d'objet, quand on veut le modéliser sur un ordinateur, ça devient très vite difficile avec les méthodes classiques, qui sont plutôt faites pour les procédés habituels d'usinage ou de moulage ou d'emboutissage. Et donc pour nous, ça a ouvert un monde assez fascinant avec une très très grande liberté de forme et ça a rendu vraiment intéressant des outils mathématiques qui avaient été développés avant sans forcément qu'on réalise le potentiel parce qu'ils génèrent des formes très compliquées. Et aujourd'hui, ces formes très compliquées, on peut enfin les fabriquer. Et donc, ça ouvre vraiment de nouvelles perspectives. On peut dire, je parle sous votre contrôle, Patricia Kravzak et Sylvain Lefebvre, que l'entrée dans l'ère contemporaine de l'impression 3D, c'est la fin des années 2000, où d'un seul coup, on a à la fois les procédés techniques qui ont évolué, comme vous l'avez dit, sur les trois grands types de matières, la puissance de calcul et les ordinateurs, et la puissance de modélisation suffisante pour arriver, une fois de plus, pour pousser un peu plus loin la réduction des coûts, la réduction des échelles, la taylorisation entre guillemets, si je puis me permettre, ou la sérification de la construction de la fabrication. Oui, tout à fait. La fin des années 2000 est une période charnière et au-delà du degré de maturité atteint par les procédés, les technologies de nouvelles variantes qui sont développées à échelle industrielle, des procédés de fabrication robustes, on a vu aussi l'intérêt des producteurs de matériaux, de matières émerger, producteurs, les chimistes, les producteurs de polymères, toute l'industrie des poudres aussi. On l'est encore pour partie limité par le panel de matériaux, que ce soit les polymères que je connais plus particulièrement, mais aussi les métaux sous forme de poudre, qui puissent être utilisés par ces technologies. Il y a une forte attente et les scientifiques se mobilisent pour élargir le panel de matériaux qui soit utilisable en fabrication additive par ces différents procédés. Ça permettra d'envisager de nouvelles applications. Je peux vous donner un exemple. Des polymères à haute tenue en température permettraient d'envisager de faire plus facilement des pièces sous capot moteur dans le domaine automobile, par exemple. Des polymères semi-cristallins qui présentent énormément d'avantages en termes de performance, de rigidité, de tenue thermique, sont encore très difficiles à imprimer. Et puis, à l'autre bout de la gamme, des polymères de commodité comme les polyoléphines, le polyéthylène, le polypropylène, qui sont très largement utilisés dans l'industrie, en injection, en extrusion, bizarrement n'ont jamais été développés pour des applications impression 3D. Et ça pourrait démocratiser encore plus, parce qu'on va réduire les coûts, hein, c'est un euro du kilo, ces matériaux-là, l'utilisation de ces techniques par le particulier, donc pour l'impression 3D à usage domestique. Sylvain Lefebvre. Oui, mais je crois que le domaine de la fabrication additive et de l'impression 3D en général doit aussi beaucoup au mouvement RepRap, qui a aidé à générer un intérêt très important sur ces techniques auprès du grand public, mais aussi de gens comme moi et comme mes collègues. Le mouvement RepRap. Alors le mouvement RepRap, j'ai expliqué. Donc en fait au départ, c'est des chercheurs en robotique qui étaient intéressés par le concept d'une machine qui s'auto-réplique. Et donc la RepRap, c'est une machine auto-réplicante. Pourquoi ? Parce qu'elle imprime, c'est une imprimante 3D qui imprime ses propres pièces. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, on ne sait pas encore faire les moteurs facilement, l'électronique, etc. En haute technologie, on pourrait y arriver, mais pas au stade qui permettrait comme ça qu'une machine se réplique. Mais ceci dit, il y a de nombreuses pièces de structure de la machine qui étaient faites par la machine elle-même. Ça a eu un effet de bord complètement étonnant, qui est que tout d'un coup, ça a eu une propagation virale d'imprimante 3D, parce que les gens se sont mis à imprimer des pièces pour le copain, qui s'est mis à fabriquer une machine qui a lui-même imprimé des pièces pour le copain, etc., etc. Et comme ça, potentiellement s'est retrouvé avec ce qu'on appelle le mouvement des makers, mm-hmm. et qui s'est inscrit dans aussi le mouvement des Fab Labs, qui sont ces endroits où on peut aller. Il y en a probablement un dans votre ville près de chez vous, renseignez-vous. Mm-hmm. Vous pouvez y aller, vous pouvez imprimer vos pièces, vous pouvez fabriquer des choses. Il n'y a pas que des imprimantes 3D hein, dans les Fab Labs, il y a d'autres outils. Mais tout ça, ça a permis de démocratiser cette idée que ça y est, ces technos sont prêtes. On peut les utiliser. C'est vrai pour le grand public, c'est vrai pour les petits artisans, c'est vrai pour les startups. C'est un outil très important pour prototyper des objets, mais qui sont quand même des objets fonctionnels. Mm-hmm. Et puis, c'est vrai pour les grandes entreprises, etc. Donc, je trouve que ça, c'est un bon exemple, en quelque sorte, de propagation de la technologie qui a généré beaucoup d'enthousiasme et qui a permis, comme ça, de remonter, en fait, vers le haut, de pousser l'innovation vers le haut, et y compris jusqu'aux entreprises. Et ouais. si vous voulez savoir s'il y a des Fab Labs près de chez vous, exactement ce que c'est qu'un Fab Lab, c'est-à-dire un laboratoire de fabrication, eh bien, il suffit d'aller sur Twitter et de réécouter l'émission que nous avions consacrée également au Fab Lab. On va vous mettre immédiatement le lien sur le fil @laméthodefc. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons donc tout au long de cette heure de la fabrication additive, ou plus exactement, ou pas plus exactement, mais en tout cas de ce qui est passé dans le langage courant comme l'impression 3D. Nous en parlons avec Patricia Kravzak et Sylvain Lefebvre. Et pour comprendre où on en est aujourd'hui précisément sur l'impression 3D, c'est-à-dire les procédés de fabrication additive, et bien comme chaque jour, nous sommes allés voir de nos propres yeux et avec nos propres oreilles, en l'occurrence celles et ceux d'Antoine Beauchamp. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes. Alors à tous. Contrairement à vos attentes, vous n'êtes pas revenu avec une petite figurine de vous imprimée à l'échelle 1/10, ce qui vous a rendu très triste, oui. Mais en revanche, vous êtes devenu incollable sur les processus industriels à l'œuvre dans une start-up d'impression 3D. Oui, et cette start-up, elle s'appelle Sculteo, elle a été créée en 2009, et elle propose à ses clients de lui envoyer des modèles numériques d'objets pour que les imprimantes 3D de chez Sculteo leur donnent forme. C'est Clément Moreau qui m'a reçu, il est cofondateur et directeur général de l'entreprise, et il m'a expliqué pourquoi il a l'impression de participer à une nouvelle révolution industrielle. Donc là, on est chez Sculteo. Sculteo, c'est une société d'impression 3D qu'on a créée en 2009 avec l'idée que vraiment l'impression 3D était en train de devenir une technologie de fabrication. C'est-à-dire que pour nous, l'impression 3D, c'est pas simplement une manière de fabriquer des gadgets ou des babioles ou des prototypes, mais au-delà de ça, c'est une manière de fabriquer des vrais objets, des objets de notre quotidien, des objets du quotidien des entreprises, mais aussi des particuliers. Donc ici, sur le site de Villejuif, on a la partie commerciale, la partie R&D, l'ingénierie et puis aussi de la production, puisque nous avons nos machines, notre atelier de fabrication avec une dizaine de machines qui fabriquent tous les jours sur Villejuif. On a le même atelier à peu près à San Francisco. Et combien d'objets sont fabriqués approximativement par jour ? Donc on parle de quelques milliers d'objets au total par jour. Chez Sculteo, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes une plateforme de vente en ligne, c'est-à-dire que nous fabriquons les objets que nos clients ont commandés sur le site internet directement. Si les clients peuvent envoyer leur fichier 3D, donc c'est un fichier CAO, sur le site internet. Le site internet va faire automatiquement un certain nombre de vérifications, puisque nous avons codé nos propres algorithmes de vérification pour la faisabilité des objets. Et ensuite, ces objets vont arriver là, dans le bureau des techniciens, en tout cas leurs fichiers vont arriver dans le bureau des techniciens, qui vont préparer la fabrication avant de pouvoir envoyer en fabrication dans la pièce qu'on voit juste en face de nous. Là, on va y aller dans cette pièce, je vous suis. Donc ici, on est dans l'atelier de fabrication principal avec des machines qui sont des machines de frittage laser et qui font des objets donc couche par couche avec une matière en polyamide où on va friter avec un laser la couche de poudre de polyamide. Là, on est au tout début de la fabrication, donc on étale les couches de poudre de polyamide. Donc, pendant le début de la fabrication, on n'utilise pas le laser et donc on ne fond pas la poudre de polyamide. Mais donc un petit peu plus tard, on va étaler une couche de polyamide fraîche. On va la chauffer à quelque chose comme 170 degrés, donc juste en dessous de la température de fusion. Et ensuite, le laser va venir par le haut, en surface, taper sur la couche de polyamide, fondre la poudre, simplement à l'endroit où il y aura la pièce. Et donc, on va avoir dans cette machine de la poudre partout et des pièces cachées au milieu de la poudre. Ça me fait penser à cette histoire du David de Michel-Ange qui était présent dans le bloc de marbre et, voilà, et il s'est révélé au public comme ça. Oui, c'est tout à fait ça, sauf que là, il y a vraiment la pièce à l'intérieur de la poudre. Quelle est la taille des objets moyennes qui sont fabriqués ici ? Alors, en moyenne, on fabrique des objets qui font autour d'une dizaine de centimètres. Dans nos machines, on peut fabriquer jusqu'à 70 cm de hauteur. Seulement, il y a un problème économique sur les très grands objets, ça coûte très cher. Un objet qui fait 70 cm de hauteur, en général, c'est plus de 5000 euros. Donc, ce sont des objets qui sont fabriqués en très très petite quantité, à l'échelle de une, deux pièces. Par contre, les petits objets, là, l'équation économique commence à mieux fonctionner et on va pouvoir fabriquer des séries. Et c'est ça ce qui nous intéresse, nous, chez Sculptero, c'est de fabriquer des séries d'objets qui vont être des vrais objets qui sont réellement utilisés par les entreprises qui nous les achètent. À partir de la demande d'une personne jusqu'à l'obtention de l'objet qu'il a commandé, il se passe combien de temps ? Pour des petites séries de une ou deux pièces, il se passe 4 jours. Si on monte évidemment à 10 000 pièces, on va devoir avoir 5 jours, 6 jours, 7 jours. Ça n'a rien à voir avec les délais de l'industrie traditionnelle. Si on doit fabriquer un moule, par exemple, et faire une étude d'ingénierie pour faire une pièce en plastique, on parle en mois, on parle en 6 mois, 7 mois, 9 mois. Donc c'est vraiment pas du tout la même échelle, et c'est ça ce qui permet de gagner énormément de temps. Et qui dit énormément de temps, dit en fait des nouveaux usages pour nos clients. Nos clients peuvent fabriquer des pièces, les mettre sur le marché très, très rapidement, fabriquer des pièces sur mesure pour leurs propres clients. Et ça, c'est vraiment un gain. Ce sont des nouvelles manières de fabriquer, des choses très, très innovantes. Et donc, ce qui fait que nos clients sont en général des gens très innovants. Quel type d'entreprise a recours à vos services ? Beaucoup d'industries, de l'électronique grand public, donc les start-up qui font tout ce qu'on appelle les objets connectés, beaucoup d'industries du médical, beaucoup d'industries, effectivement, la défense, l'électronique professionnelle, et puis aussi des usines. Et ces usines ont souvent besoin de petites fabrications aussi, de petits outillages, de petits supports, de petits accessoires de leurs machines-outils. Et ça aussi, ça fait partie de nos domaines d'application. Tout à l'heure, vous parliez du polyamide comme matériau d'impression 3D. Est-ce qu'il y a d'autres types de matériaux qui sont utilisés ici ? Je crois qu'il y en a une soixantaine en tout, c'est ça ? Alors là, dans cet atelier principal, on utilise essentiellement le polyamide. On a aussi des machines avec de la résine, donc des résines polyuréthane essentiellement. On a aussi des fabrications avec des poudres métalliques, où on va pouvoir, avec des poudres métalliques, fusionner ce métal et donc faire des vraies pièces avec du vrai métal. Donc on a à peu près tout ce qui se fait comme technologie de fabrication additive. Ce qui est intéressant, donc là on est devant le poste de tri, on se rend compte qu'il y a une partie manuelle dans cette impression, c'est-à-dire que les machines fabriquent de manière automatique, les machines, on considère, sont des robots de fabrication. Néanmoins, ces robots de fabrication viennent avec une part de travail manuel, il y a du tri, il y a du contrôle, il y a de la finition. Donc c'est pas une industrie qui est complètement dépeuplée. C'est une industrie où effectivement il y a peut-être un peu moins de personnes que si on est dans un artisanat de fabrication d'objets en bois. Néanmoins, il y a quand même des gens qui travaillent. Là, on voit un technicien qui travaille sur un écran qui va contrôler les pièces. On a du travail d'opérateur pour faire du tri, pour faire du sablage, pour faire de la finition. Et donc vraiment, c'est une industrie tout à fait normale avec un mix entre de l'automatisation et du travail manuel et du travail d'opérateur. Au début de l'année, vous avez annoncé une technologie d'impression 3D métal basée sur l'intelligence artificielle. Alors ça fait beaucoup de concepts très modernes, très contemporains, mais alors comment on combine intelligence artificielle, impression 3D et comment ce croisement-là est intéressant ? Alors, l'idée c'est que l'impression 3D avec du métal, c'est une technologie qui est très compliquée à maîtriser. Donc on a pendant la fabrication des contraintes très élevées entre des morceaux de la pièce qui sont à 700 degrés et des morceaux de la pièce qui sont à 25 degrés. Ça fait énormément de contraintes dans la pièce et ça c'est très compliqué à maîtriser. Et en fait même les ingénieurs aujourd'hui mettent un an, deux ans à savoir se servir de ces machines. Et donc on a eu l'idée de les assister avec une intelligence artificielle pour essayer de les aider déjà à apprendre plus vite parce que ça fait partie des problèmes aujourd'hui de la fabrication additive, c'est qu'il n'y a pas assez d'ingénieurs formés. Donc si on veut aller plus vite, former les gens plus vite, on doit les assister avec une intelligence artificielle qui aide à mieux commencer à fabriquer, mieux placer les pièces, mieux anticiper les problèmes pendant la fabrication. Voilà le reportage du jour dans une start-up d'impression 3D qui pose un certain nombre de problématiques intéressantes. Mais avant de vous orienter dans vos réponses, j'aimerais une réaction comme ça à brûle pour point, Sylvain Lefebvre, sur ce que vous venez d'entendre. Oui, je trouve que ça montre très bien l'intérêt qu'il y a aujourd'hui pour la facilité de créer des pièces. Hein. C'est ce qui a été expliqué, toutes les start-up qui ont envie de vérifier un concept, de voir que effectivement l'objet qu'ils ont en tête va bien marcher. Avant d'aller vers une fabrication lourde via des procédés traditionnels, ils peuvent aller vers la fabrication additive et rapidement évaluer les choses. Mais là, on reste dans le prototypage. Prototypage, mais attention, il faut bien voir qu'au début, le prototypage de l'impression 3D, c'était des objets qui n'étaient même pas fonctionnels. C'est-à-dire que les matériaux ne permettaient même pas d'utiliser l'objet comme il était censé être utilisé, alors que là, oui. L'autre aspect qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que quand on parle de petites séries de 10 000 objets, il faut bien comprendre que les 10 000 objets peuvent tous être différents. Ça coûte coûtera pas plus cher que qu'ils soient tous pareils ou tous un petit peu différents. Et donc il y a tout un marché de la personnalisation qui est extrêmement intéressant, à la fois pour le grand public, mais aussi pour des industriels qui peuvent avoir des pièces qui doivent être adaptées à chaque client, et ils peuvent maintenant faire ça. Et donc ça, je pense, c'est vraiment important. Donc on sent bien qu'on est sur un modèle qui vient compléter l'existant, et qui vient pas remplacer, s'y substituer. Voilà, exactement. Patricia Kravzak. Est évoquée une limitation des technologies d'impression 3D à des pièces de petite dimension. On a entendu la question de la taille. Voilà, la question de la 70 taille. Centimètres. 70 centimètres, c'est le maximum admissible, au moins dans cette société. C'est vrai en partie parce qu'ont été développées ou sont encore en cours de développement des machines d'impression 3D grande dimension. On a tous en tête les développements aux USA. Ça, du véhicule Obama, la fameuse Strati par Local Motors, qui a permis d'imprimer toute la caisse en blanc d'un véhicule en l'espace de 48 ou 72 heures. Et donc pour ce faire, il faut disposer d'un équipement qui permette d'avoir ou de produire des pièces qui vont faire 2 mètres sur 3. Donc c'est l'exemple le plus médiatisé. Actuellement, de telles machines sont aussi développées en France, notamment à l'IMT Lille-Douai. Et il y en a qui sont commercialisés en Europe et qui permettent de réaliser des pièces de 1 mètre cube sans problème. Alors, après, reste la question du coût. Voilà, et puis j'ai un autre exemple en tête, mais avant, je veux une réaction. Sylvain Defemme, vous voulez réagir à ce que vous venez de dire? Oui, concernant la taille, il y a une problématique vraiment intéressante. Donc, il y a à la fois ce que la machine peut faire, bien entendu. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si je double l'échelle d'une pièce, je multiplie son volume par 8. Hein, à la louche, ça dépend de la pièce, mais disons, en gros, c'est ce qui se passe. Donc, on croit au cube de l'échelle. Or, en fabrication additive, on fabrique un solide. Et il faut remplir ce solide. Et donc, effectivement, le coût en matériaux et le coût en temps passé à produire la pièce explose complètement. Donc nous, une des choses sur lesquelles on travaille, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur de la pièce pour faire en sorte que l'intérieur s'imprime vite, produise quand même une pièce rigide, et qu'on y passe moins de temps et moins de matière. Donc on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les motifs de remplissage internes aux pièces, et c'est une espèce d'équation difficile à résoudre, parce qu'on veut à la fois que ça soit bien adapté au procédé. Par exemple, si on fait du dépôt de filament, on veut faire des traits qui soient le plus continu possible, et puis on veut qu'ils soient à 45 degrés parce qu'il y a une histoire d'accélération conjointe des moteurs, etc. Et en même temps, il faut former un motif qui reste quand même très solide, hein, et donc qui est pas de biais mécanique, qui s'effondre pas quand on appuie dans une direction par rapport à une autre, etc. Donc ça, c'est des problématiques vraiment fascinantes du point de vue modélisation, et qui sont en lien direct avec les procédés, les matériaux, etc. Alors, l'autre exemple que j'ai en pièce, mais vous allez voir que c'est un exemple limitrophe, c'est celui de l'impression de béton recyclé, c'est ce Batiprint, où on a vu et où il y a eu quelques communications un peu spectaculaires autour de l'impression 3D de maison. Est-ce qu'on peut penser qu'on est dans le même type de registre et de problématique d'ingénierie, ou est-ce qu'on est dans une forme de conception assistée par ordinateur de bâti qui n'est pas exactement, qui ne recoupe pas exactement les mêmes problématiques que celles qu'on vient d'entendre pour ce type d'impression 3D dit plus classique, à votre avis, Patricia Kravzak? Je maîtrise mal l'impression 3D béton, mais j'ai des collègues qui y travaillent. Pour autant que je sache, la technologie et la problématique est différente. Lorsqu'on cherche à imprimer en 3D des bâtiments, on a plutôt recours à des robots qui viennent projeter ou couler le béton ou le ciment mélangé au sable. Et on ne cherche pas nécessairement à générer un motif de remplissage optimal, voire tirer parti de la possibilité d'architecturer. On parlait de pièces en volume, pourquoi vouloir contre-typer des procédés, soit de fonderie, soit d'injection plastique, alors que l'impression 3D permet de créer des structures alvéolaires, des structures multimatériaux architecturées. Donc pour moi, la problématique est différente, ou en tout cas celle du béton, elle est spécifique au bâtiment. Sylvain Lefebvre. Oui, ceci dit, moi, du point de vue algorithmique, du moment qu'on dépose du béton en couche et qu'on le fait avec quelque chose qui dépose finalement ce qui ressemble à un boudin de plastique ou un boudin de béton, c'est de la fabrication additive. Ouais, du point de vue algorithmique, il n'y a pas une différence énorme. Bien entendu, du point de vue des usages, c'est tout à fait différent. Je pense quand même qu'il n'est pas inintéressant d'architecturer du béton. J'imagine que faire des alvéoles dans des murs en béton, ça va quand même avoir des bonnes propriétés isolantes. Mais là, à vrai dire, ça sort largement de mon domaine de compétences. Lithuanians, and let's do it, let's do it. let's fall in love. In old Japan, all the Japs do it. Up in Lapland, little Laps do it. Let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns. Folks in Siam do it, think of Siamese twins. In shallow shoals, English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it, let's fall in love. The chimpanzees in the zoos do it. Some courageous kangaroos do it. Let's do it, let's fall in love. I'm sure giraffes on the slide do it. Even eagles as they fly do it. Let's fall in love. Electric eels, I might add, do it, though it shocks them, I know. Why ask if shad do it? Garcon, the shad row. The world admits bears in pits do it. Eat Pekingeses at the Ritz, do it. Let's do it. Let's fall in love. And they considered it fun. Marie Antoinette did it. With or without Napoleon. Parliament, pleasure vent, did it. Mamsells, every time they're short of rent, did it. Let's do it, let's fall in love. Bah oui, let's do it, faisons-le, grâce notamment à l'impression 3D à 16h37 sur France Culture, puisque nous parlons tout au long de cet épisode de la méthode scientifique, de la fabrication additive, de l'impression 3D et de son actualité aujourd'hui, de ce qu'elle apporte à la fois dans les procédés industriels, mais aussi, et on va en parler dans quelques instants, dans la facilitation d'un certain nombre de recherches appliquées et aussi fondamentales, on va le voir. Nous en parlons avec Patricia Kravzak, qui est professeure à l'Institut Mines Télécom, directrice du département de plasturgie et matériaux composites de l'IMT Lille-Douai, et avec Sylvain Lefebvre, qui est directeur de recherche à l'INRIA à Nancy et membre du laboratoire Loria. Alors, puis on a abordé un peu, hein, de manière un peu superficielle au début, on a donné quelques mots dans cette première partie d'un concept qui est important et que j'aimerais qu'on aborde un peu plus en profondeur maintenant, notamment autour de la notion de ce qu'on appelle l'optimisation topologique. Sylvain Lefebvre, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce concept est au centre de la recherche aujourd'hui dans les différents types d'impression 3D, quels que soient d'ailleurs les matériaux utilisés. Oui, alors l'optimisation topologique, au départ, c'est une question qui est posée en mathématiques et en optimisation de forme, où on se pose la question suivante, c'est si on formule un problème de rigidité. Donc par exemple, j'ai un domaine, c'est un rectangle, il est vide, à gauche il est attaché à un mur, et à droite il y a un poids qui est attaché en un point particulier. Donc la question, c'est si je donne 20% de matière, c'est-à-dire j'ai le droit de colorier 20% de ce rectangle, où est-ce que je mets la matière pour obtenir la forme qui est la plus rigide possible, c'est-à-dire qui va se déformer le moins possible sous l'effet du poids qui est situé à droite. Et donc, ça, c'est une question qui a été pas mal regardée dans le domaine des mathématiques appliquées, avec différentes méthodes, et qui sont vraiment des méthodes d'optimisation au sens où on écrit une fonction objectif, on prend le gradient de cette fonction objectif, on suit le gradient pour essayer d'améliorer la solution, et puis on voit une solution qui, au départ, est une répartition uniforme de matière, il y en a un petit peu partout, un peu au hasard, on va dire, et progressivement, on voit la matière se condenser et former un objet, qui est un objet solide. Et ce qui devient fantastique, c'est que... Alors, ces formes, elles sont parfois assez bizarres. Hein. Elles peuvent être, surtout en 3D, elles peuvent être très compliquées. Mm-hmm. Ça forme des structures qui ressemblent un petit peu au pont en métaux ou à la tour Eiffel, par exemple. Hein. Vous voyez, ça a tendance à naturellement faire ce genre de méthode. C'est rassurant, ça veut dire que nos ingénieurs ne se sont pas trop trompés ces derniers siècles. Avant l'impression 3D, ça veut dire avant, qu'on avait exactement. Bien une conscience, effectivement, de, voilà, de topographie dans l'espace et de résistance des matériaux. Absolument, mais les formes peuvent quand même être compliquées. Et donc, du coup, c'était difficile de les fabriquer avant. Mais maintenant, avec l'impression 3D, ça devient possible. Alors, c'est pas complètement trivial. Il y a quand même quelques contraintes dont il faut tenir compte, et les gens travaillent beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, travaillent beaucoup sur le fait que les algorithmes d'optimisation puissent tenir compte des contraintes. Mais on y arrive. Alors, il y a un autre point qui est assez fascinant sur ces méthodes d'optimisation topologique, c'est qu'en fait, si on les laissait faire, au lieu de vous faire un objet solide, c'est-à-dire il y a de la matière où il n'y en a pas, elles ont tendance à converger vers un composite, c'est-à-dire vers quelque chose où là, il y a 0% de matière, là, il y en a 5, là, il y en a 10%, etc. Et ça vous fait une espèce de forme comme ça. Il faut imaginer, c'est comme si on avait des micro-trous partout, mais la taille des trous, elle devient infiniment petite si on laisse faire l'algorithme. Donc, en général, on est obligé d'empêcher l'algorithme de faire ça. Mais ça ouvre des perspectives intéressantes parce que ça veut dire qu'on peut raisonner à différentes échelles. On peut optimiser la forme à une grande échelle avec un espèce de matériau composite et puis ensuite on peut réaliser ce matériau composite par une structure qui est beaucoup plus fine. À l'échelle moléculaire. Peut-être pas moléculaire, mais ça pourrait. Presque. Mais disons à une échelle très faible. Pour concrétiser les choses, on va optimiser une forme qui fait quelques dizaines de centimètres. Ça c'est ma grande échelle. La résolution de ma grille d'optimisation, ça sera peut-être, on va dire, quelques millimètres à chaque fois. Et puis par contre, on va imprimer une microstructure dont les barreaux, par exemple, vont être l'échelle de quelques dizaines de microns. Voilà, pour fixer les idées. Mais ça pourrait être beaucoup moins. En fait, plus c'est fin, mieux c'est du point de vue de ces approches multi-échelles. Et on le voit bien, et on a mis un certain nombre d'illustrations, d'articles là sur le fil Twitter. Effectivement, ces modèles, ces pièces réalisées, elles sont souvent effectivement alvéolaires, elles ressemblent à des nids de guêpes. C'est vraiment, ça illustre parfaitement cette notion d'optimisation topologique, Patricia Kravzak. C'est tout l'intérêt de ces technologies de fabrication additive, pouvoir réaliser des structures qui seraient infaisables par des procédés de fabrication industrielle. Et ça signifie que quand on veut utiliser, qu'on cherche à utiliser industriellement ces procédés pour fabriquer des pièces, pour produire des pièces, il faut apprendre à concevoir autrement. Il faut revisiter complètement la manière dont on conçoit une pièce. Voilà, on ne part plus d'un bloc de métal que l'on va usiner. Trouer, voilà. On ne part pas d'une matière plastique que l'on vient forcer dans un moule pour fabriquer une pièce complexe. Et donc, il faut tirer, en termes de conception, partie de ces spécificités. Et donc, on n'a plus de contraintes. On peut très bien imaginer des structures alvéolaires, micro-alvéolaires, avec des gradients de densité, de porosité, et on peut ainsi créer des structures complexes, composites, multimatériaux, puisque les machines d'impression 3D permettent d'imprimer plusieurs matériaux à la fois. Et ça, c'est assez récent. Et ça, c'est assez récent. Effectivement, on a vu émerger ça au cours des 3-5 dernières années. Ce qui est vrai, ce que vous décrivez, Sylvain Lefebvre, pour la résistance, on va dire, élastico-mécanique, c'est aussi vrai pour la conductivité thermique, pour des problèmes d'écoulement des fluides. C'est vrai pour vraiment tout un tas de problématiques qu'on le retrouve aussi bien dans le domaine biomédical que dans le domaine industriel, que dans le domaine strictement mécanique. Absolument, c'est toute la beauté et l'élégance de ce type de méthode d'optimisation, c'est que si on sait écrire l'équation qui va mesurer l'efficacité de la forme, dans le cas d'une pièce rigide, c'est un problème de simulation et d'élasticité, mais on peut écrire l'équation pour du thermique, on peut écrire l'équation pour des flux, on peut écrire l'équation pour des tas d'autres choses, on peut écrire l'équation pour des formes qui se déforment, c'est-à-dire que il y a une position au repos, puis il y a une position quand on applique une force, on veut obtenir une configuration différente. Et là, on optimise un mécanisme. Hein, si on utilise l'animation d'une forme. Donc, on peut faire tout ça avec ces méthodes. C'est plus ou moins difficile. Parce que, bien entendu, si on a des équations qu'on arrive à linéariser, ça se passe bien. Et puis, quand on commence à être non linéaire, ça commence à être compliqué. Voilà. Donc, ça occupe beaucoup de monde. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Mais il y a des résultats qui, aujourd'hui, sont absolument fascinants. Et je rejoins tout à fait l'idée que, quand on utilise la fabrication additive, si on veut l'utiliser du mieux possible, et là on va vraiment gagner, c'est lorsque on reconçoit ces pièces pour la fabrication additive, en tenant compte de ses spécificités. Pour cela, on a besoin d'outils de conception qui soient adaptés, et c'est tout le sens des travaux de recherche qu'on mène dans notre équipe. Et ça me revoit à un élément du reportage que l'on a pu entendre tout à l'heure, au moment où il était question de parler de l'intelligence artificielle pour aider, pour former les ingénieurs. On voit bien à quel point on est dans un degré de transdisciplinarité, d'interdisciplinarité, en fonction évidemment des projets, mais on a besoin de mathématiques appliquées, on a besoin de physique, de chimie, de résistance des matériaux, enfin on est vraiment, pour tout ce qui concerne cette fabrication additive, dans des équipes qui sont des équipes extrêmement pluridisciplinaires et qui doivent apprendre à utiliser cette nouvelle technologie, à mettre au service ces nouveaux outils pour un certain nombre de recherches appliquées, industrielles ou scientifiques, Patricia Krasak. Absolument, j'adhère complètement à votre analyse. Et d'ailleurs, on voit émerger le besoin de formation d'ingénieurs, en tout cas de cadres, qui soient pluridisciplinaires, qui maîtrisent à la fois les sciences de l'ingénieur traditionnel, vous parlez de résistance des matériaux, de procédés de fabrication de matériaux, mais aussi de microfluidique, de transfert thermique pour optimiser des échangeurs de chaleur, vous l'avez évoqué, mais aussi toute cette culture numérique, digitale, algorithmes d'optimisation, digitalisation de la chaîne de valeur, et ça c'est primordial pour exploiter pleinement le potentiel de ces technologies de fabrication en milieu industriel, au-delà des applications ludiques que vous évoquiez en introduction chez le particulier. Et puis pour refaire toujours aussi peut-être un détour pour compléter, on voit bien que grâce à ces nouvelles structures alvéolaires, nid de guêpe, à ces nouvelles répartitions du poids de la matière de la résistance, on arrive aussi mécaniquement et presque très très logiquement à un allègement du poids qui va devenir là aussi un atout très très net, notamment on pense évidemment dans l'industrie, dans l'aérospatiale évidemment, et c'est un des gros atouts aujourd'hui de la fabrication additive, Sylvain Lefebvre. Absolument, un des gros enjeux c'est que sur des pièces en fabrication additive, on peut essayer de les rendre juste assez solides, et donc le plus léger possible pour qu'elles soient juste assez solides pour l'application. Et donc par exemple, tout à l'heure j'évoquais les espèces d'éponges qu'on crée, en fait nos éponges sont optimisées de manière à être le plus rigide possible, mais en plus le plus rigide possible selon une direction, c'est-à-dire qu'il y a des directions dans lesquelles on va être plus rigide que dans d'autres. On oriente en quelque sorte, on crée des espèces de fibres artificielles quoi, finalement, dans les structures, de manière à répondre au champ d'effort dans le scénario considéré. Et puis les mousses ont des autres avantages, hein, parce que effectivement elles sont résistantes aux impacts et elles peuvent continuer à être structurellement viable, y compris après un impact ou un dommage local, ce qui est effectivement aussi important dans beaucoup d'applications de pointe. Est-ce que vous pourriez prendre l'un et l'autre, par exemple, un exemple concret, une pièce, un modèle, un prototype ? Alors, je pense à un prototype que peut-être certains auditeurs ont en tête et qui donne l'impression de ce que pourrait être une réalisation à grande échelle de cette fabrication additive pour le grand public, un progrès rapide, c'est celle d'un pneu d'une marque qu'on ne citera pas, qui est un pneu qui n'est plus un pneu en gomme avec une chambre à air, mais qui est un pneu réalisé en impression 3D et qui est un pneu qui peut presque être renouvelé juste en rajoutant des couches. Vous pouvez nous en dire un mot peut-être, Sylvain Lefebvre ? Oui, en fait, je peux vous en dire un mot parce qu'en réalité, la structure qui est à l'intérieur de ce pneu, ça correspond à une structure qu'on a publiée pas très longtemps avant, donc qu'on connaît très bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle En fait, la structure est composée des arêtes d'un diagramme de Voronoi, qui est un diagramme de Voronoi aléatoire, et ça permet de modéliser des matériaux, des mousses dont le comportement est isotrope, c'est-à-dire qu'il a un comportement dans toutes les directions qui va être le même en termes d'élasticité. Et en variant l'épaisseur des barres et en variant la taille des cellules du diagramme de Voronoi, vous pouvez changer l'élasticité du matériau. Donc en plus, on peut les faire évoluer dans l'espace, c'est-à-dire avoir un endroit où la mousse est plus dense qu'un autre pour faire varier la rigidité dans l'espace. Donc ça, c'est effectivement très intéressant en termes d'application industrielle, sachant qu'avec une machine de fabrication additive, c'est pas plus cher de fabriquer fabriquer votre pneu en mousse de Voronoi que de fabriquer un pneu qui serait solide et classique. C'est à la fois l'avantage et l'inconvénient, dans le sens où c'est un inconvénient parce que parfois quand on veut faire des formes simples, on se retrouve à payer beaucoup, mais quand on veut faire des formes compliquées, c'est extrêmement intéressant. Donc très bon exemple d'application, effectivement. Un exemple, Patricia Kravzak, aussi, qui vous viendrait en tête comme ça. Peut-être un secteur d'application qu'on n'a pas encore évoqué et sur lequel mon équipe travaille avec d'autres au sein de l'Institut Minitélécom, c'est le domaine électronique, télécom, tout ce qui est production, stockage d'énergie pour développer des récupérateurs d'énergie mécanique permettant d'alimenter par exemple des objets connectés, tout ce qui est électronique vestimentaire. Les technologies d'impression 3D multimatériaux permettent d'envisager de développer des systèmes piézoélectriques, conducteurs, à base de polymères. Une application concrète pour Une batterie, que l'on pourrait alimenter grâce au mouvement d'un sportif qui fait son jogging. Donc voilà, il y a des mouvements qui sont générés, des contraintes, des déformations, des torsions. Ça va générer sur ce polymère piézoélectrique qui est léger, d'où l'intérêt par rapport à des matériaux plus lourds, de l'électricité qui pourra alimenter une batterie, les tracker d'activité, pourquoi pas le smartphone de la personne qui fait son jogging. Voilà typiquement une application que l'on peut envisager et qui explique aussi l'engouement de tout le secteur du luxe, du design, de la mode et du sport pour ces technologies. Un mot dans les quelques minutes qui nous restent, parce qu'on parle d'impression 3D, on a vu émerger il y a très peu de temps, il y a quelques mois, le concept d'impression 4D. Alors l'impression 4D, c'est peut-être beaucoup dire, ou c'est peut-être la surnommer, ou une exagération d'appellation, mais en tout cas c'est une impression 3D à laquelle on ajoute la dimension temps, Sylvain Lefebvre. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça consiste en quelques mots? Oui, alors je dois avouer que je suis pas un très gros fan du terme impression 4D, mais bon, ça illustre bien le concept. C'est comme ça que c'est passé dans le langage courant. Et donc effectivement, le concept, c'est qu'on peut fabriquer l'objet dans la configuration qui est pas nécessairement la configuration finale de l'objet, voire même qu'on va intégrer à l'objet des actuateurs sous une forme ou une autre. Ça peut être par exemple des matériaux qui vont gonfler quand on les met dans l'eau, tout simplement, qui vont faire que l'objet va se déplier et prendre sa configuration finale de lui-même. Il y avait un très bon exemple de ça, c'était une robe qui était faite de mailles qui s'imprimaient pré-imbriquées les unes dans les autres. Et le problème, c'est que évidemment, une robe, ça fait une grande taille. Donc plutôt que de l'imprimer directement comme ça, elle a été imprimée complètement repliée sur elle-même à l'intérieur du lit de l'imprimante. Et puis quand on la sort de l'imprimante, elle se déplie. C'est un exemple de ce qu'on pourrait appeler l'impression 4D. Et avec, là, pour le coup, des applications en biomédical qui sont extrêmement prometteuses. Ah, absolument. J'allais mentionner les applications dans le domaine biomédical, stent et autres, avec un stimulus qui peut être pour déclencher l'effet mémoire de forme, qui peut être la température du corps, le contact avec un fluide, ou dans d'autres domaines, en microfluidique aussi, on peut très bien imaginer qu'au contact d'un fluide, la pièce, le joint, vienne se dilater et obturer, obturer un canal. Au contraire, l'élargir en cas de... Voilà. Donc, dans des secteurs d'application à forte valeur ajoutée et auxquels on promet des taux de croissance à deux chiffres. Et à 16h52, comme chaque mercredi, il est temps de se projeter encore un peu plus loin dans le futur, puisque nous recevons chaque semaine un ou jeune étudiant en thèse qui vient nous présenter ses travaux de recherche. Aujourd'hui, nous avons le luxe, la chance d'être en duplex depuis nos confrères de France Bleu à Nice, avec Alexis Keva, qui est en première année de doctorat au Centre de mise en forme des matériaux des mines Paritech à Sofia Antipolis. Bonjour Alexis. Bonjour. Eh bien, c'est à vous, nous vous écoutons. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Vous êtes le bienvenu. Comme vous le savez, l'impression 3D est une technologie qui est maintenant bien connue du grand public. En effet, on observe à travers les Fab Labs coopératives la mise en disposition de, par exemple, de machines à dépôt fondu pour fabriquer par exemple des petits protos ou des objets ludiques comme des figurines avec des matériaux plastiques. Néanmoins, il faut savoir que tout cela ne représente que la partie émergée de l'iceberg, puisqu'en effet, l'impression 3D a quand même un potentiel infiniment plus grand que ce que la majorité des gens pensent. En effet, cette technologie a déjà largement pénétré le tissu industriel avec des technologies qui sont différentes, avec des matériaux différents, type métallique ou céramique, toujours dans le but d'essayer d'améliorer leur processus de fabrication, par exemple en fabriquant des pièces d'un seul bloc, à moindre coût, tout en garantissant toujours des pièces de bonne qualité. Après, il faut toujours garder en tête que ces techniques restent intéressantes que pour des productions de pièces en petite série et de petite taille. L'une des technologies qui est le plus employée chez les industriels, c'est le procédé SLM. Ce procédé consiste à envoyer dans une machine SLM une géométrie 3D qui est dessinée sur un outil numérique comme CATIA, par exemple. La machine va alors découper ce modèle 3D en une superposition de tranches horizontales d'une certaine épaisseur que l'on définit. Cette épaisseur, c'est celle du lit de poudre, en fait, métallique qui est déposé sur un support où le laser, en fait, vient laser et faire fusionner de manière sélective la zone demandée. Ensuite, de manière itérative, on abaisse le support et on rajoute un lit de poudre que l'on fait fusionner. Et finalement, on obtient un empilement de couches qui fait apparaître quasiment comme par magie la pièce qu'on souhaite fabriquer. Alors, pour donner un ordre d'idée, pour fabriquer, par exemple, une pièce de 10 cm, il faut empiler plus de 2000 couches. Donc, ce qui est assez conséquent. Donc, par rapport à ma thèse, donc, je suis en convention CIFRE avec Safran, qui est un acteur majeur de l'aéronautique et de l'aérospatiale. On comprend donc bien que s'ils utilisent ce type de procédé, on a des critères de qualité de pièces qui doivent être irréprochables. Et par rapport à ma thèse, donc, elle consiste à essayer de réaliser une simulation numérique de la transformation de la matière, qui va passer de l'état d'un tas de poudre métallique très petite et sphérique à un bain de fusion avec l'énergie qui est apportée par le laser. Et enfin, la forme finale de la couche déposée après resolidification. Donc, pour en revenir sur ce que c'est la simulation numérique, pour faire simple, ça consiste à résoudre des équations mathématiques sur un domaine que l'on étudie, donc par exemple le lit de poudre de métal. Et on va découper cette poudre en de petits éléments, donc par la méthode qu'on appelle méthode des éléments finis, où chaque élément va apporter sa contribution et permettre de modéliser les phénomènes physiques attendus, si on fait tout correctement, bien sûr. Je ne me pars pas de table rase par rapport à ce sujet test, puisqu'en fait, un des doctorants du CMF, qui s'appelle Kyung Chen, a travaillé dessus, notamment sur les procédés SLM sur les céramiques. Il s'est intéressé plus particulièrement sur les phénomènes hydrodynamiques du domaine fondu, avec des phénomènes comme les tensions de surface. Donc, pour faire simple, on peut prendre comme exemple les vidéos de Thomas Pesquet sur l'ISS, où en fait, lorsqu'il ouvrait une bouteille d'eau et qu'il laissait l'eau sortir de la bouteille, elle était en apesanteur, et en fait, on voyait qu'elle prenait une forme sphérique, et ça témoigne en fait de la présence de ces forces de tension de surface. Néanmoins, ces forces de tension de surface ont la fâcheuse tendance d'être fortement dépendantes de la température, et on comprend bien qu'avec ce type de procédé, les températures varient très fortement et sont très élevées par l'apport du laser. Et en fait, ça va générer ce qu'on appelle des écoulements convectifs de mahogany, qui ont une forte influence sur la forme en fait du bain liquide et après la forme du matériau final. Donc ensuite, on va essayer de s'intéresser à modéliser l'apparition de vapeurs métalliques, puisqu'en fait, des fois, on atteint des valeurs de température très élevées, et voire même des éjections de liquide par le faisceau laser. Et pour synthétiser tout ce que je viens de vous dire, en fait, à travers mes travaux de thèse, on espère progresser sur la compréhension de ces nouveaux procédés en développant bien sûr une approche scientifique, mais en même temps en participant d'une certaine manière à ce qui va certainement représenter une des technologies pionnières de l'industrie du futur. Merci beaucoup Alexis Keva pour cette présentation. Une petite réaction de nos deux invités, Sylvain Lefebvre, à ce que vous venez d'entendre. Oui, c'est un très beau et très important sujet de thèse, parce que effectivement, aujourd'hui, on a du mal à simuler le procédé, parce que ça se fait dans le temps, à des résolutions qui sont très importantes. Donc on est sur des problèmes de simulation et des problèmes d'éléments finis qui sont vraiment complexes. Et si on sait mieux simuler, on saura mieux traiter et préparer les géométries pour leur fabrication. Et donc ça, nous, on est en amont, on est dans cette étape de préparation de la géométrie. Et plus on en sait, et plus on est capable de simuler, et plus nous, on peut pré-optimiser et préparer les pièces pour la fabrication. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à Alexis Keva d'avoir fait le déplacement. Merci à nos confrères de France Bleu Azur à Nice pour le duplex. Merci Sylvain Lefebvre. Merci Patricia Kravzak. Vous pouvez retrouver cette émission, hein, comme toutes les émissions de la méthode scientifique, sur notre site, sur franceculture.fr, ainsi que, et bien sûr, notre fil Twitter, @laméthodefc, où on vous a mis un certain nombre de liens, comme chaque jour, d'études, d'illustrations qui permettent de compléter le propos, de visualiser certaines des évolutions que nous avons pu évoquer au cours de cette heure. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette, Saint-Ville-France et Île de Lausanne, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Hugo Bartholomé, Elisabeth Miro à la réalisation, Pascal Baudin à la technique et Victor Buton aujourd'hui au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture tout à l'heure après le journal de 18h dans Le Grain à Moudre. Hervé Gardette demandera à son parterre d'inviter si la France a une politique arabe. Dans un instant, ce sera le troisième épisode de la série documentaire de la semaine sur les prix littéraires par Stéphane Bonnefoy et Guillaume Baldi. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous essayerons de souffler des bougies au radium, ce qui risque de ne pas être tout à fait évident, puisque nous évoquerons le parcours scientifique de Marie Curie à l'occasion des 150 ans de sa naissance. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.